trop tard que le monde déjà condamné. Gardez le monde malade, toute la nuit, la souffrir. Le bagage n'y a un docteur qui voudrait des maladies ça. De la Bible t'a parlé, je te conduis, c'est menti. Mais si nous pas remarqué, et qu'on a la terre qui lève pas tout plus. Seigneur, pitié pour nous Seigneur. C'est tout le monde qui a demandé si c'est pas la paix qui vivait. Mes amis, causez-moi des chaises. Comité Tête Ensemble sous Sida, ça nous relève Haitian Coalition on AIDS là, à fond causé à nous sous maladie yorele AIDS là. C'est département la santé dans ville New York qui aide comité à faire causé ça à nous. L'offre de temps d'élu, nous demandons ou à passer cassette là, bah y a l'autre monde pour le capable tendel. Et moun ça, lui-même, l'élève vint tendel, la passe le bah ou l'autre. Comité haïtien a gen longtemps depuis la tête de parler sous AIDS. Gen moun ki rele maladie moa ou bien maladie ki deyoa, gen yon paquet bonne cause ou ap tande. Et c'est pas toute cause que nous tande pour nous kwè. C'est peut-être ça, coalition haïtien sous sida apprend tout moyen possible pour faire causement ça à nous. Gen moun jou konye a qui songe les CDC te dit haïtien gen pi pli chance pour yo prendre maladie AIDS là. Gen longtemps depuis pour causer ça parler. Jodi a nous connaît gen 127 pays côté moun a souffri ak maladie a. Aux États-Unis seulement gen plus passé 33 000 moun qui gen AIDS et nan parmi yo 20 000 déjà mouri. C'est vrai nous pas d'accord ak CDC l'elle te déclaré c'est haïtien qui gagne plus chance pour prendre maladie AIDS là. Haïtien tant que tout l'autre monde qui a gagne AIDS depuis il mettait l'argent pour maladie à entrer sous lui. Bon, quitte cantique pour prier. Sa maladie AIDS ça et même. Entre 1980 et 1981, nèg savait qui gagne connaissance dans la science yo, rivé découvrir maladie à dans chercher. C'est une maladie qui mettait corps dans un état côté li pa ka résister devant aucune infection encore. Maladie a vini ak yon virus yon rele HIV. Le virus sa chita nan san ou li détruit tout bagay ki ka protéger corps contre toute qualité infection. Maladie sida apparaît sous plusieurs formes, tant que pneumonie, cancer sous peau, diarrhée, ou vin piti, ou kap gen mal gorge et puis yon tout sec. Ak an pil lot infeksyon ki komplike. Se yon maladi ki fè ou gen an pil infeksyon lot moun ki byen yo pa ka gen. Men yon bagay important nou dwe konnen sou maladi a. Sida se yon maladi ki antre sou ou son pa santi anyen. Li komanse fè ravaj lan kòr depi le jèm nan antre sou ou. Ou ka bay lot moun maladi a même là pour sorti rien. Sida son maladie qui capable prendre 10 ans avant de paraître sous. C'est peut-être ça ou doit prendre toute précaution capable prendre pour pas entrer sous. Sida c'est pas maladie garçon makoumé à moun qui prend drogue seulement lié. C'est maladie tout moun, à tout petit moun li pa épaillé. Gen kek moun qui pas gagné sida j'en nous expliquer là. Yo développé ARC. C'est une forme maladie qui est moins grave. Mais ARC cap tourné AIDS. Dans sens ça, li cap touyo tout. D'après toute étude qui fait, nous avons plusieurs façons pour moun cap prend maladie a tant qu'on en sang, dans des chailles, dans fait l'amour, nous voulons dire beau, prend langue, toute qualité contact sexe ou capable gagner avec you partner qui déjà gagne maladie a. Avant 1985, te gen an pil kèksyon sou zafè san moun maladi ap resevwa dans l'hôpital. Eh bien, depi siyantis yo te dekouvri tes ELISA pou detekte jèm sida, san yo ba dans l'hôpital yo asiri. Yo testé tout san avant yo ba moun maladi. Gen an pil moun ki pè malade ki gen sida. ou pas qu'à prendre virus sida ni l'aura visite un malade ni l'aura parlé avec lui et ni l'aura prendre soin. Nous songe nous sont dit maladie a pas épargné ni petit bébé. Eh bien, c'est la maman petit bébé a qu'à prendre maladie. Mais qui j'en s'arrivé? Si une maman gen j'aime maladie pendant l'enceinte, li capable passer le bail petite là depuis dans ventre. Li capable bail petite là j'aime maladie dans passage. Et puis le capable bail petite là j'aime maladie dans bal tété. Si on protéger tête ou on protéger petit tout. Pas penser nous mal élevé si nous soulever toute parole ça yo. Si vous voulez croire moi croire. Si vous pas comprendre qui gens yon moun prend sida ou cap mettre tête ou la position pour prendre tout. Pitié pour nous Seigneur. Si nous pas ouais trop tard que le monde déjà condamné. Avec sida ça mes amis, maintenant pile moun a réfléchi. Garçon qu'on y a fait au fil, yon même yon fait garçon. Mes amis, nous qu'a dit sida c'est une maladie grave. Dès pour prendre, c'est mettre babou à la trempe parce que wap mouri. C'est pas paix, n'a faut paix. Mais nous obligés ba ou information dans bon timamite. Ça nan menon, c'est li ki pa ou. Pas oublier, c'est ou maladie kap touye fi kou garçon, ti moun tout. Ki te m raconte non ti kozé. Nou gen yon fami, maman, papa ak de petite. Maman apprend li pran jèm nan depuis le temps enceinte. Léo fait test pour papa. Yo wè li gen jèm nan tout. Mais yo pa konnen ki lès nan yo ki bay lòt li. Le madame nan akouche. Yo te comprendre ti bébé a pa tab gen rien. Et ben ti bébé a tombé malade sous 3 mois. Infection commençait à gailler dans le col de jour en jour, li vin pi mal. Eh bien, nous voyons ça qui passe, ce bébé. Nous tout comprenons. C'était une tristesse. Famille a mouru debout. Famille a été en pile problème. Entre yon là, yon mal à l'aise. Yon met tête yon à pas. Gende le, yon raï l'autre. Parce qu'il y a cherché qu'on est. Qui est-ce qui fait l'autre ça? Et puis, tout problème, l'argent, c'est pas parlé. Maladie a coûté cher. C'est gros tête chargée. Au capitaine de Moun a parlé de l'autre groupe qui a sida. Paré de camper sous ça. Protéger tête ou ak Moun qui chez à oua. Depuis 5 ans, coalition haïtienne sous sida a fait effort pour travailler avec la communauté haïtienne. Sous affaire sida. C'est pour ça que fait yo offri communauté haïtienne un service gratis pour faire prévention, pour informer et pour aider tout le monde dans la communauté. Nous cap faire réunion pour enseigner moun ki jan pour protéger santé yo ak santé famille contre AIDS. Nous distribuer toute qualité information qui gen sous AIDS. Nous bay moun ki besoin capote pour servir. Relez-nous dans 718 855-0972. Ou pas besoin bay non. Ou ka brele chaque jour. Toujours kon moun la ki pale lang maman ou ki ka pale avec ou. Nou ka fè arrangement pour visiter ou le soir tout, sous besoin. Conseil sous symptômes ou pense ki indique kou ka gen infection virus ak sida. Bureau nou ouvert de lundi à vendredi de 9h à 5h. Nous avons fait arrangement pour visiter le soir et le week-end tout. Pas oublier, téléphone nous c'est 718-855-0972. Causer AIDS, c'est un bagage pour tout le monde mais pour éliminer le passage j'aime ça de l'un à l'autre. Là. Ce qui est plus important, c'est pas quitter l'entrée sous. Prends précaution. Tant que nous dit la caille nous, l'amour averti patouille kokobi. Si c'est comme ça, nous mettons suspend vers l'amour. Situation grave, mais gain espoir. Gain un examen sang qui montrait si vous êtes exposé à sida. test ça gratis au cal prani dans département santé publique New York là. Li confidentiel tout. Pas oublier. Test ça pas veut dire qu'on gain AIDS. Mais li dit si ou t'es exposé à virus qui baille AIDS là. Si test là positif, qui veut dire li montrer virus là très en contraction ou capable infecter l'autre monde même si ou pas malade. Si vous voulez prendre test ça, relez 718 485 81 11 718 485 81 11. Pas bay non et puis tout, y a bon un numéro pour identifier ou. L'ovine prend résultat. Nous-mêmes nous conseillons ou pour joindre avec you moun qui pour préparer ou pour prendre test là et en même temps tout l'ovine prend test là qui pour tout bon conseil tout. Compatriotes haïtiens, frères mio, sœurs mio, nous gain responsabilité tête nous ensemble avec ti moun n'a élevé yo. Qui donc nous devons prendre toute précaution pour empêcher maladie ça tomber sous nous avec petite nous. Mais des trois petits conseils n'a ba ou si toutefois ou gagnez un petit ménage ou bien ou a sorti avec vos amis ou bien ou gagne madame ou bien ou gen misye. Premier bagaille pour qu'on ait maladie sida paritate. Sou gagne un seul patne ak li sel ou en a fait. Li même tout ak ou même sel li en a fait. Et puis nous yon pas jam te kwaze ak jem sida, nous met couché jan nou vle, nous pas capable pran jem sa. La nature révolte. Sida. Koto sorti. Cherchez qu'on est moun ou an a fait avec l'IA bien. Si vous avez plusieurs l'autre partenaire, réfléchis bien avant de quitter la relation avec l'IA branché. Et si toutefois vous décidez en affaire avec lui, ça veut dire quitter l'amour branché, c'est pour servir avec yon capote. Gen pil moun ki pa vle servi ak capote pou tout kalite rizon. Mwen kap di ou gen plus ke 260 haïtiens ki mouri deja la nan New York la. Ou bien yo pa te konnen sa pou te fè pou proteje tèt yo, ou bien yo pa te pran sida au sérieux. Ou pas qu'à garder figou moun pour dire s'il est infecté avec virus sida. De toute façon, servi à un capote. Mande partner pour le servir avec un capote. Et puis on doit additionner dans capote là crème qui gagne monoxynol 9 là la donne. Crème ça li capable détruire germe sida. Ou qu'à acheter capote dans pharmacie, dans tout l'autre petit magasin. Yo bien fermé dans plastique. C'est à caoutchouc au fait. Passez réo côté qui gen gauche allait. Mettez capote là avant plaisir ou brancher. Depuis même garçon dit, li cab facilement déroulé capote là. Gen outil espace dans quelques capote dans pointe yo. Pas quitter les entrées dans ti réservoir ça. C'est là déchaille là après chita. Pas jamais servir avec un capote des fois. Cherchez gen information sur maladie. Chaque jour il y a une nouvelle qui paraît parce que yo toujours continue à faire étude sur maladie sida. Plus ou gen information, c'est plus ou cap protéger tête ou ak famille. Si ou remè tête ou remè famille ou remè zanmi ou protéger yo tout. On nous fait une petite révision sur ça nous saute dit là. AIDS c'est une maladie qui crase résistance ou qui fait ou gen infection. C'est un virus qui bay sida. C'est dans sang des chai nan bagay yo servi pou pran drog nan la rien nou kapab pran virus la pa gen traitement pou sida gen médicament ki kap fè yon moun supporter maladi a quel que soit jan ap fè l'amou ou kap pran sida depi moun ou ap fè l'amou avec li a infecté même si li même li pou ko malade garçon yo pa bliye servi avec un capote sida sont question de la vie ou la mort. Pour plus d'informations sous affaire SIDA, Relay Haitian Coalition on AIDS, dans 718-855-09-72, 718-855-09-72. Ou bientôt capable les département la santé New York là dans 718-485-81-11. 718-485-8111. Coalition Haïtien sous SIDA voulait remercier tout le monde qui participait pour faire cassette ça possible. Département Santé Publique New York City, Marie-Edith Jean, Myriam Dorismé, Jean-Lucien Borges, Alex Etienne, Staff Haitian Coalition, Marie-Martin Sirdelpe, Dr. Claude Loiseau, et nous pas oublier un gros merci pour toute nécessité pour musique SIDA. Nous pas jambes d'apuesta, tout en sa vote corrivé. Sida, vote sorti.